Eh bien, capitaine Nietzsche, dit le petit Serge, rentrant rose et frais de la promenade, la veille de son jour de naissance, tandis que le vieux Suisse, souriant du haut de sa grande taille, le débarrassait de sa capote. « Le Tchitonic au bandeau est-il venu? Papa l'a-t-il reçu ?»« Oui, à peine le chef de cabinet est-il arrivé que je l'ai annoncé, » répondit le Suisse en clignant gaiement d'un œil. « Permettez que je vous déshabille. » Serge, Serge, appela le précepteur arrêté devant la porte qui conduisait aux appartements intérieurs, déshabillez-vous vous-même. Mais Serge, quoiqu'il entendît la voix grêle de son précepteur, n'y faisait aucune attention. Debout près du Suisse, il le tenait par la ceinture et le regardait de tous ses yeux. Et papa, a-t-il fait ce qu'il demandait? Le Suisse fit un signe affirmatif. Ce tchinovnik enveloppé d'un manteau intéressait Serge et le Suisse. Il était venu 7 fois sans être admis, et Serge l'avait rencontré un jour dans le vestibule, gémissant auprès du Suisse, qu'il suppliait de le faire recevoir, disant qu'il ne lui restait qu'à mourir avec ses 7 enfants. Et depuis lors, l'enfant se préoccupait du pauvre homme. « Avait-il l'air content ? » demanda-t-il. « Oh, je crois bien, il est parti presque en sautant. »« A-t-on apporté quelque chose ?» demanda le petit garçon après un moment de silence. « Oh oui, monsieur, » dit à demi-voix le Suisse en hochant la tête, « il y a quelque chose de la part de la comtesse. » Serge comprit qu'il s'agissait d'un cadeau pour son jour de naissance. « Que dis-tu, où ?» Corneille l'a apporté chez papa, ça doit être une belle chose. De quelle grandeur? Comme ça? Non, plus petit, mais c'est beau. Un livre? Non, c'est quelque chose. Allez, allez, Vassili Lukitch vous appelle, dit le Suisse, entendant venir le précepteur et dégageant doucement la petite main gantée qui le tenait à la ceinture. Dans une minute, Vassili Lukitch, dit Serge avec ce sourire aimable et gracieux dont le sévère précepteur subissait lui-même l'influence. Serge était joyeux et tenait à partager avec son ami, le Suisse, un bonheur de famille que venait de lui apprendre la nièce de la comtesse Lydie pendant leur promenade au jardin d'été. Cette joie lui paraissait encore plus grande depuis qu'il y joignait celle du tchinovnik et du cadeau. En ce beau jour, « tout le monde devrait être heureux, » pensait-il. « Sais-tu, papa a reçu l'ordre d'Alexandre Levski. »« Oh, comment ne le saurais-je pas, on est déjà venu le féliciter. »« Es-tu content ?»« Comment ne pas être content d'une faveur de l'empereur ? N'est-ce pas une preuve que l'on a méritée ?» dit le vieux Suisse gravement. Serge réfléchit tout en continuant à considérer le Suisse, dont le visage lui était connu dans les moindres détails, le menton surtout, entre ses 2 favoris gris que personne n'avait jamais vu comme Serge de bas en haut. « Eh bien, et ta fille, y a-t-il longtemps qu'elle est venue ?» La fille du Suisse faisait partie du corps de ballet. Où trouverait-elle le temps de venir un jour ouvrable? Elles ont aussi leurs leçons, et vous les vôtres, monsieur. » En rentrant dans sa chambre, Serge, au lieu de se mettre à ses devoirs, raconta à son précepteur toutes ses suppositions sur le cadeau qu'on lui avait apporté. Ce devait être une locomotive. « Qu'en pensez-vous ? » demanda-t-il. Mais Vassili Lukitch ne pensait qu'à la leçon de grammaire, qui devait être préparé pour le professeur qu'on attendait à 2 heures. Dites-moi seulement, Vassili Lukitch, demanda l'enfant assis à sa table de travail et tenant son livre entre ses mains, qui a-t-il au-dessus d'Alexandre Levski? Vous savez que papa est décoré. Le précepteur répondit qu'il y avait Vladimir. Et au-dessus? « Au-dessus de tout, Saint-André. »« Et au-dessus ? Ah, je ne sais pas. »« Comment vous ne savez pas non plus ? Et Serge, appuyé sur sa main, se prit à réfléchir. Les méditations de l'enfant étaient très variées. Il s'imaginait que son père allait peut-être encore être décoré des ordres de Vladimir et de Saint-André, et qu'il allait par conséquent être bien plus indulgent pour la leçon d'aujourd'hui. Puis il se disait qu'une fois grand, il ferait une sorte de mériter toutes les décorations, même celles qu'on inventerait au-dessus de Saint-André. À peine un nouvel ordre serait-il institué, qu'il s'en rendrait digne tout de suite. Ces réflexions firent passer le temps si vite que lorsque vint l'heure de la leçon, il ne savait rien, et le professeur parut non seulement mécontent, mais affligé. Serge en fut peiné. Sa leçon, quoi qu'il fît, n'entrait pas dans sa tête. En présence du professeur, cela marchait encore, car à force d'écouter et de croire qu'il comprenait, il s'imaginait comprendre. Mais resté seul, tout s'embrouillait et se confondait. Il saisit un moment où son maître cherchait quelque chose dans son livre pour lui demander « Michel Ivanitch, quand sera votre fête ?»« Vous feriez mieux de penser à votre travail. Quelle importance un jour de fête a-t-il pour un être raisonnable ? C'est un jour comme un autre qu'il faut employer à travailler. » Serge regarda avec attention son professeur, examina sa barbe rare, ses lunettes descendues sur son nez, et se perdit dans des réflexions si profondes qu'il n'entendit plus rien du reste de sa leçon. Son maître pouvait-il croire ce qu'il disait ? Au ton dont il parlait, cela paraissait impossible. Mais pourquoi s'entendent-ils tous pour me dire de la même façon les choses les plus ennuyeuses et les plus inutiles ? Pourquoi celui-ci me repousse-t-il et ne m'aime-t-il pas ? Se demandait l'enfant sans trouver de réponse. Après la leçon du professeur, vint celle du père. Serge, en attendant, jouait avec son canif, accoudé à sa table de travail, et se plongeait dans de nouvelles méditations. Une de ses occupations favorites consistait à chercher sa mère pendant ses promenades. Il ne croyait pas à la mort en général, et surtout pas à celle de sa mère, malgré les affirmations de la comtesse et de son père. Aussi pensait-il la reconnaître dans toutes les femmes grandes, brunes et un peu fortes. Son cœur se gonflait de tendresse, les larmes lui venaient aux yeux. Il s'attendait à ce qu'une de ces dames s'approchât de lui, levât son voile. Alors il reverrait son visage, elle l'embrasserait, lui sourirait, il sentirait la douce caresse de sa main, reconnaîtrait son parfum et pleurerait de joie, comme un soir où il s'était roulé à ses pieds parce qu'elle le chatouillait et qu'il avait tant ri en mordillant sa main blanche couverte de bagues. Plus tard, la vieille bonne lui apprit par hasard que sa mère vivait, mais que son père et la comtesse disaient le contraire parce qu'elle était devenue méchante. Ceci parut encore plus invraisemblable à Serge, qui l'attendit et la chercha de plus belle. Ce jour-là, au jardin d'été, il avait aperçu une dame en voile lilas, et son cœur battit bien fort lorsqu'il lui vit prendre le même sentier que lui. Puis, tout à coup, la dame avait disparu. Serge sentait sa tendresse pour sa mère plus vive que jamais, et les yeux brillants regardait devant lui, entaillé dans la table de son canif. « Voilà papa qui vient !» lui dit Vassili Loukitch. Serge sauta de sa chaise, courut baiser la main de son père et chercha quelques signes de satisfaction sur son visage à propos de sa décoration. « As-tu fait une bonne promenade ?» demanda Alexis Alexandrovitch, s'asseyant dans un fauteuil et ouvrant un volume de l'Ancien Testament. Quoiqu'il eût souvent dit à Serge que tout chrétien devait connaître l'Ancien Testament imperturbablement, il avait souvent besoin de consulter le livre pour ses leçons et l'enfant s'en apercevait. « Oui, papa, je me suis beaucoup amusé, » dit Serge, s'asseyant de travers et balançant sa chaise, chose défendue. « J'ai vu Nadinka, une nièce de la comtesse que celle-ci élevait, et elle m'a dit qu'on vous avait donné une nouvelle décoration. En êtes-vous content, papa ?»« D'abord, ne te balance pas ainsi, dit Alexis Alexandrovitch. Et ensuite, sache que ce qui doit nous être cher, c'est le travail par lui-même et non la récompense. Je voudrais te faire comprendre cela. Si tu ne recherches que la récompense, le travail te paraîtra pénible. Mais si tu aimes le travail, ta récompense sera toute trouvée. » Et Alexis Alexandrovitch se rappela qu'en signant le même jour 118 papiers différents, il n'avait eu pour soutien dans cette ingrate besogne que le sentiment du devoir. Les yeux brillants et gais de Serge s'obscurcirent devant le regard de son père. Il sentait que celui-ci prenait, en lui parlant, un ton particulier, comme si se fût adressé à un de ces enfants imaginaires qui se trouvent dans les livres et auxquels Serge ne ressemblait en rien. Il y était habitué et faisait de son mieux pour feindre une analogie quelconque avec ces petits garçons exemplaires. « Tu me comprends, j'espère. »« Oui, papa, » répondit l'enfant jouant son petit personnage. La leçon consistait en une récitation de quelques versets de l'Évangile et une répétition du commencement de l'Ancien Testament. La récitation ne marchait pas mal. Mais tout à coup, Serge fut frappé de l'aspect du front de son père, qui formait un angle presque droit près des tempes, et il dit tout de travers la fin de son verset. Alexis Alexandrovitch conclut qu'il ne comprenait rien de ce qu'il récitait et en fut irrité. Il fronça le sourcil et se prit à expliquer ce que Serge ne pouvait avoir oublié pour l'avoir entendu répéter tant de fois. L'enfant, effrayé, regardait son père et ne pensait qu'à une chose. Faudrait-il lui répéter ses explications ainsi qu'il l'exigeait parfois? Cette crainte l'empêchait de comprendre. Heureusement, le père passa à la leçon d'histoire sainte. Serge raconta passablement les faits eux-mêmes, mais lorsqu'il dut expliquer ce qu'il signifiait, il resta court et fut puni pour n'avoir rien su. Le moment le plus critique fut celui où il dut réciter la série des patriarches antédiluviens. Il ne se rappelait plus qu'Enoch. C'était son personnage favori dans l'histoire sainte, et il rattachait à l'élévation de ce patriarche aux cieux une longue suite d'idées qu'il absorba complètement, tandis qu'il regardait fixement la chaîne de montre de son père et un bouton à moitié déboutonné de son gilet. Serge, qui ne croyait pas à la mort de ceux qu'il aimait, n'admettait pas non plus qu'il dût mourir lui-même. Cette pensée invraisemblable et incompréhensible de la mort lui avait cependant été confirmée par des personnes qui lui inspiraient confiance. La bonne elle-même avouait, un peu contre son gré, que tous les hommes mouraient. Mais alors pourquoi Enoch n'était-il pas mort? Et pourquoi d'autres que lui ne mériteraient-ils pas de monter vivants au ciel comme lui? Les méchants, ceux que Serge n'aimait pas, pouvaient bien mourir, mais les bons pouvaient être dans le cas d'Enoch. Eh bien, ces patriarches, Enoch, Enos, tu les as déjà nommés. C'est mal, Serge, très mal. Si tu ne cherches pas à t'instruire des choses essentielles à un chrétien, mais qu'est-ce donc qui t'occupera? Dit le père se levant. Ton maître n'est pas plus satisfait que moi. Je suis donc forcé de te punir. Serge travaillait mal en effet, et cependant ce n'était pas un enfant mal doué. Il était au contraire fort supérieur à ce que son maître lui citait en exemple. S'il ne voulait pas apprendre ce qu'on lui enseignait, c'est qu'il ne le pouvait pas, et cela parce que son âme avait des besoins très différents de ceux que lui supposaient ses maîtres. À 9 ans, ce n'était qu'un enfant, mais il connaissait son âme et la défendait contre tous ceux qui voulaient y pénétrer sans la clé de l'amour. On lui reprochait de ne rien vouloir apprendre, et il brûlait cependant du désir de savoir. Mais il s'instruisait auprès de Capitol Nietzsche, de sa vieille bonne, de Nadinka et de Vassili Loukitch. Serge fut donc puni. Il n'obtint pas la permission d'aller chez Nadinka. Mais cette punition tourna à son profit. Vassili Loukitch était de bonne humeur et lui enseigna l'art de construire un petit moulin à vent. La soirée se passa à travailler et à méditer sur le moyen de se servir d'un moulin pour tournoyer dans les airs en s'attachant aux ailes. Il oublia sa mère, mais la pensée de celle-ci lui revint dans son lit et il pria à sa façon pour qu'elle cessât de se cacher et lui fit une visite le lendemain, anniversaire de sa naissance. Vassili Loukitch, savez-vous ce que j'ai demandé à Dieu par-dessus le marché ? De mieux travailler ? Non. De recevoir des joujoux ? Non. Vous ne devinerez pas. C'est un secret. Si cela arrive, je vous le dirai. Vous ne savez toujours pas ? Non, vous me le direz, dit Vassili Loukitch en souriant, ce qui lui arrivait rarement. Allons. Couchez-vous, j'éteins la bougie. Je vois bien mieux ce que j'ai demandé dans ma prière quand il n'y a plus de lumière. Tiens, j'ai presque dit mon secret, fit Serge en riant gaiement. Serge crut entendre sa mère et sentir sa présence quand il fut dans l'obscurité. Elle était debout près de lui et le caressait de son regard plein de tendresse. Puis il vit un moulin, un couteau, puis tout se confondit dans sa petite tête et il s'endormit. Vronsky et Anna étaient descendus dans un des principaux hôtels de Pétersbourg. Vronsky se logea au rez-de-chaussée, Anna prit au premier, avec l'enfant, la nourrice et sa femme de chambre, un grand appartement composé de 4 pièces. Dès le premier jour de son retour, Vronsky alla voir son frère. Il y rencontra sa mère, venue de Moscou pour ses affaires. Sa mère et sa belle-sœur le reçurent comme d'habitude, le questionnèrent sur son voyage, causèrent d'amis communs, mais ne firent aucune allusion à Anna. Son frère, en lui rendant visite le lendemain, fut le premier à parler d'elle. Alexis Vronsky saisit l'occasion pour lui expliquer qu'il considérait la liaison qu'il unissait à Madame Karénine comme un mariage, ayant le ferme espoir d'obtenir un divorce qui régulariserait leur situation. Il désirait que leur mère et sa belle-sœur comprissent ses intentions. « Le monde peut ne pas m'approuver sur le m'étant indifférent, » ajouta-t-il. « Mais si ma famille tient à rester en bon terme avec moi, il est nécessaire qu'elle entretienne des relations convenables avec ma femme. » Le frère aîné, toujours fort respectueux des opinions de son cadet, laissa le monde résoudre cette question délicate et se rendit sans protester chez Madame Karénine avec Alexis. Malgré son expérience du monde, Vronsky tombait dans une étrange erreur. Lui, qui mieux qu'un autre devait comprendre que la société leur resterait fermée, il se figura par un bizarre effet d'imagination que l'opinion publique, revenue d'antiques préjugés, avait dû subir l'influence du progrès général. « Sans doute, il ne faut pas compter sur le monde officiel, » pensait-il. « Mais nos parents, nos amis comprendront les choses telles qu'elles sont. » Une des premières femmes du monde qu'il rencontra fut sa cousine Betsy. « Enfin !» s'écria-t-elle joyeusement. « Et Anna, où êtes-vous descendue ? J'imagine aisément le vilain effet que doit vous produire Pétersbourg après un voyage comme le vôtre. » Et le divorce, est-ce arrangé ? Cet enthousiasme tomba dès que Betsy apprit que le divorce n'était pas encore obtenu, et Vronsky s'en aperçut. « Oh, je sais bien qu'on me jettera la pierre, dit-elle, mais je viendrai voir Anna. Vous ne restez pas longtemps ?» Elle vint en effet le jour même, mais elle avait changé de ton. Elle sembla insister sur son courage et la preuve de fidélité et d'amitié qu'elle donnait à Anna. Après avoir causé des nouvelles du jour, elle se leva au bout de 10 minutes et dit en partant « Mais vous ne m'avez toujours pas dit à quand le divorce ?»« Mettons que moi, je jette mon bonnet par-dessus les moulins, mais je vous préviens que d'autres n'en feront pas autant et que vous trouverez des cols émontés qui vous battront froid. Et c'est si facile maintenant, ça se fait. Ainsi vous partez vendredi. Oh, je regrette que nous ne puissions nous voir d'ici là. » Le ton de Betsy aurait pu édifier Vronsky sur l'accueil qui leur était réservé. Il voulut cependant faire encore une tentative dans sa famille. Il pensait bien que sa mère, si ravie d'Anna à leur première rencontre, serait inexorable pour celle qui venait de briser la carrière de son fils. Mais Vronsky fondait les plus grandes espérances sur Varia, sa belle-sœur. Celle-ci ne jetterait certainement pas la pierre à Anna et viendrait simplement et tout naturellement la voir. Dès le lendemain, l'ayant trouvée seule, il s'ouvrit à elle. « Tu sais, Alexis, combien je t'aime, » répondit Varia après l'avoir écouté, « et combien je te suis dévoué. Mais si je me tiens à l'écart, c'est que je ne puis être d'aucune utilité à Anna Arkadievna. » Elle appuya sur les deux noms. « Ne crois pas que je me permets de la juger. J'aurais peut-être agi comme elle à sa place. Je ne vais entrer dans aucun détail, » ajouta-t-elle timidement, en voyant s'assombrir le visage de son beau-frère. « Mais il faut bien appeler les choses par leur nom. Tu voudrais que j'allasse la voir pour la recevoir ensuite chez moi afin de la réhabiliter dans la société, mais je ne puis le faire. Mes filles grandissent. Je suis forcé à cause de mon mari de vivre dans le monde. Suppose que j'aille chez Anna Arkadievna. Je ne puis l'inviter chez moi de crainte qu'elle ne rencontre dans mon salon des personnes autrement disposées que moi. N'est-ce pas de toute façon la blesser? Je ne puis la relever. Mais je n'admets pas un instant qu'elle soit tombée, et je ne voudrais pas la comparer à des centaines de femmes que vous recevez, interrompit Vronsky, se levant persuadé que sa belle-sœur ne céderait pas. Oh ben, Alexis, je t'en prie, ne te fâche pas. « Ce n'est pas ma faute, » dit Varia avec un sourire craintif. « Oh, je ne t'en veux pas, mais je souffre doublement, » dit-il, s'assombrissant de plus en plus. « Je regrette notre amitié brisée, ou du moins bien atteinte, car tu dois comprendre que tel sera pour nous l'inévitable résultat. » Il la quitta sur ces mots, et, comprenant enfin l'inutilité de nouvelles tentatives, il résolut de se considérer comme dans une ville étrangère et d'éviter toute occasion de froissement nouveau. Une des choses qui lui furent le plus pénibles fut d'entendre partout son nom associé à celui d'Alexis Alexandrovitch. Chaque conversation finissait par rouler sur Karénine, et s'il sortait, c'était encore lui qu'il rencontrait, ou du moins il se le figurait, comme une personne affligée d'un doigt malade croit le heurter à tous les meubles. D'autre part, l'attitude d'Anna le chagrinait. Il la voyait dans une disposition morale étrange, incompréhensible, qu'il ne lui connaissait pas. Tour à tour, tendre et froide, elle était toujours irritable et énigmatique. Évidemment, quelque chose la tourmentait. Mais au lieu d'être sensible au froissement dont Vronsky souffrait douloureusement et qu'avec sa finesse de perception ordinaire elle aurait dû ressentir comme lui, elle paraissait uniquement préoccupée de dissimuler ses soucis et parfaitement indifférente au reste. La pensée dominante d'Anna en rentrant à Pétersbourg était d'y voir son fils. Possédée de cette idée du jour où elle quitta l'Italie, sa joie augmenta à mesure qu'elle approchait de Pétersbourg. C'était chose simple et naturelle, croyait-elle, de revoir l'enfant en vivant dans la même ville que lui. Mais dès son arrivée, elle sentit qu'une entrevue ne serait pas facile à obtenir. Comment s'y prendre? Aller chez son mari au risque de n'être pas admise et de s'attirer peut-être un affront? Écrire à Alexis Alexandrovitch? C'était impossible. Et cependant, elle ne saurait se contenter de voir son fils en promenade. Elle avait trop de baisers, de caresses à lui donner, trop de choses à lui dire. La vieille bonne de Serge aurait pu lui venir en aide, mais elle n'habitait plus la maison Karénine. Deux jours se passèrent ainsi en incertitude et en tergiversation. Le troisième jour, ayant appris les relations d'Alexis Alexandrovitch avec la comtesse Lydie, elle se décida à écrire à celle-ci. Ce fut pour elle une déception cruelle que de voir revenir son messager sans réponse. Jamais elle ne se sentit blessée, humiliée à ce point. Et cependant, elle comprenait que la comtesse pouvait avoir raison. Sa douleur fut d'autant plus vive qu'elle n'avait à qui la confier. Vronsky ne la comprendrait même pas. Il traiterait les choses comme de peu d'importance, et rien que l'idée du ton froid dont il en parlerait le lui faisait paraître odieux. Mais la crainte de le haïr était la pire de toutes. Aussi résolut-elle de lui cacher soigneusement les démarches par rapport à l'enfant. Toute la journée, elle s'ingéniait à imaginer d'autres moyens de joindre son fils et se décida enfin au plus pénible de tous, écrire directement à son mari. Au moment où elle commençait sa lettre, on lui apporta la réponse de la comtesse Lydie. Elle s'était résignée au silence, mais l'animosité, l'ironie qu'elle lut entre les lignes de ce billet la révoltèrent. « Quelle cruauté, quelle hypocrisie » pensa-t-elle. « Ils veulent me blesser et tourmenter l'enfant. Je ne les laisserai pas faire. Elle est pire que moi. Du moins, moi, je ne mens pas. » Aussitôt, elle prit le parti d'aller le lendemain, anniversaire de la naissance de Serge, chez son mari, d'y voir l'enfant en achetant les domestiques coûte que coûte et de mettre un terme aux mensonges absurdes dont on le troublait. Anna commença par courir acheter des joujoux et fit son plan. Elle viendrait le matin de bonne heure, avant qu'Alexis Alexandrovitch fût levé. Elle aurait de l'argent tout prêt pour le Suisse et le domestique, afin qu'on la laissât monter sans lever son voile, sous prétexte de poser sur le lit de Serge des cadeaux envoyés par son parrain. Quant à ce qu'elle dirait à son fils, elle avait beau y penser, elle ne pouvait rien préparer. Le lendemain matin, vers 8 heures, Anna descendit de voiture et sonna à la porte de son ancienne demeure. « Va donc voir qui est là, on dirait une dame, » dit Kapitonitch à son aide un jeune garçon qu'Anna ne connaissait pas, en apercevant par la fenêtre une dame voilée sur le perron. Le Suisse était en déshabillé du matin. Anna, à peine entrée, glissa un billet de 3 roubles dans la main du garçon et murmura « Serge, Serge Alexievitch !» Puis elle fit quelques pas en avant. Le remplaçant du Suisse examina la signa et arrêta la visiteuse à la seconde porte. « Qui demandez-vous » dit-il. Elle n'entendit rien et ne répondit pas. Kapitonitch, remarquant le trouble de l'inconnu, sortit de sa loge et lui demanda ce qu'elle désirait. « Je viens de la part du prince Karabudov voir Serge Alexievitch. »« Oh, il n'est pas encore levé, » répondit le Suisse, examinant attentivement la dame voilée. Anna ne se serait jamais attendue à être ainsi troublée par l'aspect de cette maison où elle avait vécu 9 ans. Des souvenirs doux et cruels s'élevèrent dans son âme, et un moment elle oublia pourquoi elle était là. « Veuillez attendre, » dit le Suisse en la débarrassant de son manteau. Au même moment, il la reconnut et salua profondément. « Que votre Excellence veuille bien entrer, » lui dit-il. Elle essaya de parler, mais la voix lui manqua. Et jetant un regard suppliant au vieillard, elle monta l'escalier rapidement. Capitonitch chercha à la rattraper et monta derrière elle, accrochant ses pantoufles à chaque marche. « Le précepteur n'est peut-être pas habillé, je vais le prévenir. » Anna montait toujours l'escalier, bien connu, ne comprenant rien à ce que disait le vieillard. « Par ici, à gauche. Oh, excusez si tout est en désordre. Il a changé de chambre, » disait le Suisse essoufflé. « Que votre Excellence veuille attendre un moment, je vais regarder. » Et ouvrant une grande porte, il disparut. Anna s'arrêta, attendant. « Il vient de se réveiller, » dit le Suisse, sortant par la même porte. Et comme il parlait, Anna entendit un bâillement d'enfant, et rien qu'au son de ce bâillement, elle reconnut son fils et le vit devant elle. « Laisse-moi, laisse-moi entrer, » balbutia-t-elle, entrant précipitamment. À droite de la porte, sur le lit, un enfant en chemise de nuit, son petit corps penché en avant, achevait de bâiller en s'étirant. Ses lèvres se fermèrent en dessinant un sourire à moitié endormi, et toujours souriant, il retomba doucement sur son oreiller. « Mon petit Serge, » murmura-t-elle approchant du lit sans être entendue. Depuis qu'ils étaient séparés dans ces effusions de tendresse pour l'absent, Anna revoyait toujours son fils à 4 ans, à l'âge où il avait été le plus gentil. Maintenant, il ne ressemblait même plus à celui qu'elle avait quitté. Il était devenu grand et maigre. Comme son visage lui parut allongé avec ses cheveux courts et ses grands bras. Il avait bien changé, mais c'était toujours lui. La forme de sa tête, ses lèvres, son petit cou et ses épaules larges. « Mon petit Serge !» répéta-t-elle à l'oreille de l'enfant. Il se souleva sur son coude, tourna sa tête ébouriffée et, cherchant à comprendre, ouvrit les yeux. Pendant quelques secondes, il regarda d'un œil interrogateur sa mère immobile près de lui, sourit de bonheur, et les yeux encore à demi fermés par le sommeil, se jeta non plus sur son oreiller mais dans ses bras. « Serge, mon cher petit garçon, » balbutia-t-elle, étouffée par les larmes, serrant ce corps mignon dans ses deux bras. « Maman !» murmura-t-il, remonte entre les mains de sa mère comme pour mieux en sentir la pression. Il saisit le dossier du lit d'une main, l'épaule de sa mère de l'autre et tomba sur elle. Son visage se frottait contre le cou et la poitrine d'Anna qu'enivrait ce chaud parfum de l'enfant à demi endormi. « Je savais bien, » fit-il en entr'ouvrant les yeux, « c'est mon jour de naissance. » « Je savais bien que tu viendrais. Oh, je vais tout de suite me lever. » Et, tout en parlant, il s'assoupit. Anna le dévorait les yeux. Elle remarquait les changements survenus dans son absence, reconnaissait malaisément ses jambes devenues si longues, ses joues amaigries, ses cheveux qui formaient de petites boucles sur la nuque, là où elle l'avait si souvent embrassé. Elle serrait tout cela contre son cœur et les larmes l'empêchaient de parler. « Mais pourquoi pleures-tu, maman ? » demanda-t-il tout à fait réveillé. « Pourquoi pleures-tu ? » répéta-t-il, prêt à pleurer lui-même. Moi, non, je ne pleurerai plus. C'est de joie. Il y a si longtemps que je ne t'ai vue. Oh, c'est fini, fini, dit-elle, en renfonçant ses larmes et se détournant. Maintenant, tu vas t'habiller, fit-elle après s'être un peu calmée et sans quitter la main de Serge. Elle s'assit près du lit sur une chaise où étaient préparés les vêtements de l'enfant. Comment t'habilles-tu sans moi? Comment? Elle voulait parler simplement et gaiement, mais n'y parvenait pas et se détourna encore. Oh, je ne me lave plus à l'eau froide, papa l'a défendu. Tu n'as pas vu Vassili Loukitch? Il va venir. Tiens, tu es assis sur mes affaires. Et Serge pouffa de rire. Elle le regarda et sourit. Maman, ma chérie, s'écria-t-il, se jetant de nouveau dans ses bras, comme s'il eût mieux compris ce qui lui arrivait en la voyant sourire. Ôte cela, dit-il, lui enlevant son chapeau. Et la voyant tête nue, il se reprit à l'embrasser. Qu'as-tu pensé de moi? As-tu cru que j'étais morte? Oh, jamais je ne l'ai cru. Tu ne l'as pas cru, mon chéri? Je savais bien, dit-il en répétant sa phrase favorite. Et saisissant la main qui caressait sa chevelure, il en appuya la paume sur sa petite bouche et se mit à la baiser. Vassili Loukitch, pendant ce temps, était fort embarrassé. Il venait d'apprendre que la dame dont la visite lui avait paru extraordinaire était la mère de Serge, cette femme qui avait abandonné son mari et qu'il ne connaissait pas puisqu'il n'était entré dans la maison qu'après son départ. Devait-il prévenir Alexis Alexandrovitch? Réflexion faite, il résolut de remplir strictement son devoir en allant lever Serge à l'heure habituelle sans s'inquiéter de la présence d'une personne tierce, fût-elle la mère. Mais la vue des caresses de la mère et de l'enfant, le son de leur voix et de leurs paroles lui firent changer d'avis. Il hocha la tête, soupira et referma doucement la porte. « Bon, j'attendrai encore 10 minutes, se dit-il, toussant légèrement en s'essuyant les yeux. » Une vive émotion régnait parmi les domestiques. Ils savaient tous que Kapitonitch avait laissé entrer leur maîtresse et qu'elle se trouvait dans la chambre de l'enfant. Ils savaient aussi que leur maître entrait d'habitude chaque matin chez Serge à 9 heures. Chacun d'eux sentait que les époux ne devaient pas se rencontrer, qu'il fallait les en empêcher. Corneille, le valet de chambre, descendit chez le Suisse pour demander pourquoi on avait introduit Anna, et apprenant que Kapitonitch lui-même l'avait escorté jusqu'en haut, il lui adressa une verte réprimande. Le Suisse garda un silence obstiné, mais lorsque le valet de chambre déclara qu'il méritait d'être chassé, le vieillard sauta en l'air et s'approchant de Corneille avec un geste énergique. « Oui, tu ne l'aurais pas laissé entrer, toi, dit-il. Après avoir servi 10 ans à n'avoir entendu que de bonnes paroles, tu lui aurais dit maintenant « Ayez la bonté de sortir ». Tu comprends la politique, toi, en fine mouche. Ce que tu n'oublieras pas, par exemple, c'est de voler monsieur et de traîner ses pelisses. « Soldat !» répondit Corneille avec mépris, et il se tourna vers la bonne qui entrait en ce moment. « Soyez juge, Marie Efinovna. Il a laissé entrer madame, sans rien dire à personne. Et tout à l'heure, Alexis Alexandrovitch, quand il sera levé, ira dans la chambre des enfants. » Quelle affaire, quelle affaire, dit la bonne. Mais Corneille Vassilitch, trouvez-vous donc un moyen de retenir monsieur pendant que je courrai la prévenir et la faire sortir? Oh, quelle affaire! Quand la bonne entra chez l'enfant, Serge racontait à sa mère comment Nadinka et lui étaient tombés en glissant d'une montagne de glace et avaient fait 3 culbutes. Anna écoutait le son de la voix, regardait le visage, le jeu de la physionomie de son fils, palpait ses petits bras mais ne comprenait rien de ce qu'il disait. Il faudrait le quitter, s'en aller. Elle ne comprenait, sentait que cela. Elle avait entendu les pas de Vassili Loukitch et sa petite toux discrète, et maintenant elle entendait approcher la bonne, mais incapable de bouger, de parler, elle restait immobile comme une statue. « Madame, ma colombe !» murmura la vieille femme s'approchant d'Anna et lui baisant les épaules et les mains. « Voilà une joie envoyée de Dieu à celui que nous fêtons aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas changée du tout. Ah, Nania, ma chère, je ne vous savais pas dans la maison, dit Anna, revenant à elle pour un moment. Oh, je ne demeure plus ici. Je vis chez ma fille, mais je suis venue ce matin féliciter Serge, Anna Arkadievna, ma colombe. La vieille femme se prit à pleurer et à baiser de nouveau la main de son ancienne maîtresse. Serge, les yeux brillants de joie, tenait d'une main sa mère et de l'autre sa bonne, en trépignant de ses petits pieds nus sur le tapis. La tendresse de sa chère bonne pour sa mère le ravissait. « Maman, elle vient souvent me voir, et quand elle vient... » Mais il s'arrêta en voyant la bonne chuchoter quelque chose à sa mère, et le visage de celle-ci exprimait la frayeur et comme de la honte. Anna s'approcha de son fils. « Mon chéri, lui dit-elle. Jamais elle ne put prononcer le mot adieu, mais à l'expression de son visage, l'enfant comprit. « Mon cher... « Cher petit Koutia, murmura-t-elle, employant un surnom qu'elle lui donnait lorsqu'il était tout petit. « Tu ne m'oublieras pas, ta mère... » Mais elle ne put achever. Combien de choses elle regretta ensuite de n'avoir pas su lui dire, et dans ce moment elle était incapable de rien trouver, rien exprimer. Mais Serge comprit tout. Il sentit que sa mère l'aimait et qu'elle était malheureuse. Il comprit même ce que la bonne lui avait chuchoté. Il avait entendu les mots « toujours vers 9 heures ». Il savait qu'il s'agissait de son père et qu'il ne devait pas rencontrer sa mère. Mais ce qu'il ne comprit pas, c'était pourquoi la frayeur et la honte se peignaient sur le visage de celle-ci. Elle n'était pas coupable et semblait craindre et rougir. Mais de quoi ? Il aurait voulu faire une question, mais il n'osa pas interroger, car il voyait sa mère souffrir et elle lui faisait trop de peine. Il se serra contre elle en murmurant « On ne t'en va pas encore, il viendra pas de si tôt. » Sa mère s'éloignait d'elle un instant pour le regarder et tâcher de comprendre s'il pensait bien ce qu'il disait. À l'air effrayé de l'enfant, elle sentit qu'il parlait bien réellement de son père. « Serge, mon ami, dit-elle, aime-le. Il est meilleur que moi, et je suis coupable envers lui. Quand tu seras grand, tu jugeras. Mais personne n'est meilleur que toi, s'écria l'enfant avec des sanglots désespérés, et s'accrochant aux épaules de sa mère, il la serra de toute la force de ses petits bras tremblants. « Ma petite âme, mon chéri !» balbutia Anna, et elle fondit en larmes comme un enfant. En ce moment, la porte s'ouvrit, et Vassili Loukitch entra. On entendait déjà d'autres pas, et la bonne effrayée tendit à Anna son chapeau en lui disant tout bas « Il vient !» Serge se laissa tomber sur son lit en sanglotant et se couvrant le visage de ses mains. Anna les lui retira pour baiser encore ses joues baignées de larmes et sortit d'un pas précipité. Alexis Alexandrovitch venait à sa rencontre. Il s'arrêta en la voyant et courba la tête. Quoiqu'il eût affirmé une minute auparavant qu'il était meilleur qu'elle, Le regard rapide qu'elle jeta sur toute la personne de son mari ne réveilla en elle qu'un sentiment de haine, de mépris et de jalousie par rapport à son fils. Elle baissa rapidement son voile et sortit presque en courant. Dans sa hâte, elle avait laissé dans la voiture les joujoux choisis la veille avec tant de tristesse et d'amour, et les rapporta à l'hôtel. Anna, quoiqu'elle s'y fût préparée à l'avance, ne s'attendait pas aux violentes émotions que lui causa la vue de son fils. Revenue à l'hôtel, elle se demandait pourquoi elle était là. « Oui, tout est bien fini, je suis seule, » se disait-elle, ôtant son chapeau et se laissant tomber dans un fauteuil près de la cheminée. Et, regardant fixement une pendule posée entre les fenêtres au-dessus d'une console, elle s'absorba dans ses réflexions. La femme de chambre française qu'elle avait ramenée de l'étranger entra pour prendre ses ordres. Anna parut étonnée et répondit « Au plus tard ». Un domestique qui va demander si elle désirait déjeuner reçut la même réponse. La nourrice italienne entra à son tour, portant l'enfant qu'elle venait d'habiller. La petite, en voyant sa mère, lui sourit, battant l'air de ses menottes, potelées à la façon d'un poisson agitant ses nageoires. Elle frappait les plis empesés de sa jupe brodée et se tendait vers Anna, qui ne lui résista pas. Baisant les joues fraîches et les jolies épaules de sa fille, elle la laissa s'accrocher un de ses doigts avec des cris de joie, la prit dans ses bras et la fit sauter sur ses genoux. Mais la vue même de cette charmante créature l'obligea à constater la différence qu'elle établissait dans son cœur entre elle et Serge. Toutes les forces d'une tendresse inassouvie s'étaient jadis concentrées sur son fils, l'enfant d'un homme qu'elle n'aimait cependant pas, et jamais sa fille, née dans les plus tristes conditions, n'avait reçu la centième partie des soins prodigués par elle à Serge. La petite fille ne lui représentait d'ailleurs que des espérances, tandis que Serge était presque un homme, connaissant déjà la lutte avec ses sentiments et ses pensées. Il aimait sa mère, la comprenait, la jugeait peut-être, pensa-t-elle, se rappelant les paroles de son fils. Et maintenant, elle était séparée de lui, moralement aussi bien que matériellement, et à cette situation, elle ne voyait pas de remède. Après avoir rendu la petite à sa nourrice et les avoir congédiés, Anna ouvrit un médaillon contenant le portrait de Serge au même âge que sa sœur, puis elle chercha d'autres portraits de lui dans un album. La dernière, la meilleure photographie, représentait Serge à cheval sur une chaise en blouse blanche, la bouche souriante, les sourcils un peu froncés. La ressemblance était parfaite. Elle voulut de ses doigts nerveux tirer le portrait de l'album pour le comparer avec d'autres, mais elle n'y parvenait pas. Pour dégager la carte de son cadre, elle la poussa à l'aide d'une autre photographie prise au hasard. C'était un portrait de Vronsky fait à Rome en cheveux longs et chapeau mou. « Le voilà !» se dit-elle. Et en le regardant, elle se rappela soudain qu'il était l'auteur de toutes ses souffrances. Elle n'avait pas pensé à lui de toute la matinée, mais la vue de ce mâle et noble visage qu'elle connaissait et aimait tant fit monter un flot d'amour à son cœur. « Mais où est-il? Mais pourquoi me laisse-t-il seul ainsi en proie à ma douleur ?» se demanda-t-elle avec amertume, oubliant qu'elle lui dissimulait, avec soin, tout ce qui concernait son fils. Aussitôt, elle l'envoya prier de monter, et attendit, le cœur serré, les paroles de tendresse dont il chercherait à la consoler. Le domestique revint lui dire que Vronsky avait du monde et qu'il faisait demander si elle pouvait le recevoir avec le prince Yavchin, nouvellement arrivé à Pétersbourg. Oh, il ne viendra pas seul, il ne m'a pas vu depuis hier, au moment de dîner, pensa-t-elle. Je ne pourrai rien lui dire puisqu'il sera avec Yavchin. Et une idée cruelle lui traversa l'esprit. S'il avait cessé de m'aimer. Elle repassa aussitôt dans sa mémoire tous les incidents des jours précédents. Elle y trouvait des confirmations de cette pensée terrible. La veille, il n'avait pas dîné avec elle. Il n'habitait pas le même appartement, et maintenant il venait en compagnie, comme s'il eût craint un tête-à-tête. Mais son devoir est de me l'avouer, et le mien de m'éclairer. Si c'est vrai, je ne sais ce qui me reste à faire, se dit-elle, bien que hors d'état d'imaginer ce qu'elle deviendrait si l'indifférence de Vronsky était prouvée. Cette terreur voisine du désespoir lui donna une certaine surexcitation. Elle sonna sa femme de chambre, passa dans son cabinet de toilette et prit un soin extrême à s'habiller, comme si Vronsky, devenu indifférent, avait dû redevenir amoureux à la vue de sa toilette et de sa coiffure. La sonnette retentit avant qu'elle fût prête. En entrant au salon, ce fut Yavchin qu'elle aperçut d'abord, examinant les portraits de Serge qu'elle avait oubliés sur la table. Nous sommes d'anciennes connaissances, lui dit-elle allant vers lui et posant sa petite main dans la main énorme du géant tout confus. Cette timidité semblait bizarre, contrastant avec la taille gigantesque et le visage accentué de Yavchin. Nous nous sommes vus l'année dernière aux courses. Donnez, dit-elle, reprenant à Vronsky par un mouvement rapide les photographies de son fils qu'il regardait, tandis que ses yeux brillants lui jetaient un regard significatif. Les courses de cette année ont-elles réussi? Oh, nous avons vu les courses à Rome, au Corso. Mais vous n'aimez pas la vie à l'étranger, ajouta-t-elle avec un sourire caressant. Oh, je vous connais, et quoique nous nous soyons peu rencontrés, je connais vos goûts. J'en suis fâché, car mes goûts sont généralement mauvais, dit Yavchin, mordant sa moustache gauche. Après un moment de conversation, Yavchin, voyant Vronsky consulter sa montre, demanda à Anna si elle comptait rester longtemps à Pétersbourg, et prenant son képi, se leva, dépouillant ainsi son immense personne. « Je ne crois pas, » répondit-elle, et elle regarda Vronsky d'un air troublé. « Alors nous ne nous reverrons plus, » dit Yavchin, se tournant vers Vronsky. « Où dînes-tu ? » « Ben, venez dîner avec moi, » dit Anna d'un ton décidé. Et contrarié de ne pouvoir dissimuler sa confusion toutes les fois que sa situation fausse s'affirmait devant un étranger, elle rougit. « Le dîner n'est pas bon, mais du moins vous vous verrez. De tous ses camarades de régiment, vous êtes celui que préfère Alexis. »« Enchanté, » répondit Yavchin avec un sourire qui prouva à Vronsky qu'Anna lui plaisait beaucoup. Yavchin prit congé et sortit. Vronsky resta en arrière. Oh, tu pars aussi ? Lui demanda-t-elle. Oui, je suis déjà en retard. Va toujours, je te rejoins, cria-t-il à son ami. Elle lui prit la main et, sans le quitter des yeux, chercha ce qu'il pourrait bien lui dire pour le retenir. Attends. J'ai quelque chose à te demander, et pressant la main de Vronsky contre sa joue. Je n'ai pas eu tort de l'inviter à dîner. Mais tu as très bien fait, répondit-il avec un sourire tranquille. Alexis, tu n'as pas changé pour moi, demanda-t-elle en lui serrant la main entre les siennes. Oh, Alexis, je n'en puis plus ici. Quand partons-nous? « Bientôt, bientôt, tu ne t'imagines pas combien, moi aussi, la vie me pèse. » et il retira sa main. « Eh bien, va, va, » dit-elle d'un ton blessé, et elle s'éloigna précipitamment. Quand Vronsky rentra à l'hôtel, Anna n'y était pas. On lui dit qu'elle était sortie avec une dame. Cette façon de s'absenter sans dire où elle allait, jointe à l'air agité et au ton dur dont elle lui avait retiré les photographies de son fils devant Yashin, fit réfléchir Vronsky. Il se décida à lui demander une explication et l'attendit au salon. Anna ne rentra pas seule, elle amena une de ses tantes, une vieille fille, la princesse Oblomsky, avec qui elle avait fait des emplettes. Sans remarquer l'air inquiet et interrogateur de Vronsky, Anna se mit à raconter gaiement ce qu'elle avait acheté dans la matinée. Mais il lisait une tension d'esprit dans ses yeux brillants, quand furtivement elle le regardait et une agitation fébrile dans ses mouvements qui l'inquiétèrent et le troublèrent. Le couvert était disposé pour quatre et on allait se mettre à table lorsqu'on annonça Tourskievitch venu de la part de la princesse Betsy avec une commission pour Anna. Betsy s'excusait de n'être pas venue lui dire adieu. Elle était souffrante et priait Anna de venir la voir entre 7h30 et 9h. Vronsky regarda Anna comme pour lui faire remarquer qu'en lui désignant une heure, on avait pris les mesures nécessaires afin qu'elle ne rencontrât personne. Anna sembla n'y faire aucune attention. « Je regrette infiniment de n'être pas libre précisément entre 7h30 et 9h, » dit-elle avec un imperceptible sourire. « La princesse le regrettera beaucoup. » « Moi aussi. Vous allez probablement entendre la pâtie, » demanda Tchouchkevitch. « La pâtie... Ah, vous me donnez une idée. Oh, j'irais certainement, si je pouvais me procurer une loge. Je puis vous en avoir une. Oh, je vous en serais très obligé, » dit Anna. « Mais ne voulez-vous pas dîner avec nous ?» Vronsky haussa légèrement les épaules. Il ne comprenait rien à la manière d'agir d'Anna. Pourquoi avait-elle amené la vieille princesse? Pourquoi gardait-elle Tuskevitch à dîner? Et surtout, pourquoi voulait-elle une loge? Pouvait-elle, dans sa position, aller à l'opéra un jour d'abonnement? Mais elle y rencontrerait le monde entier. Il la regarda sérieusement. Mais elle lui répondit par un regard moitié désolé, moitié railleur, dont il ne put saisir la signification. Pendant le dîner, Anna fut très animée et sembla faire des coquetteries tantôt à l'un, tantôt à l'autre de ses convives. Tchouchkevitch alla chercher la loge en sortant de table, et Yashin descendit fumer avec Vronsky. Au bout d'un certain temps, celui-ci remonta, et trouva Anna en toilette de soie claire, corsage décolleté, avec des dentelles encadrant et faisant ressortir l'éclatante beauté de sa tête. « Vous allez vraiment au théâtre ?» lui dit-il, cherchant à ne pas la regarder. « Mais pourquoi me le demandez-vous de cet air terrifié ?» répondit-elle, froissée de ce qui ne la regardait pas. « Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. » Elle semblait ne pas comprendre la signification des mots. « Évidemment, il n'y a aucune raison pour cela, » dit-il en fronçant les sourcils. « Mais c'est précisément ce que je dis, » fit-elle, ne voulant rien entendre à l'ironie de cette réponse et mettant tranquillement un long gant parfumé. « Anna, au nom du ciel, mais qu'est-ce qui vous prend ?» lui dit-il, cherchant à la réveiller, comme l'avait tenté naguère plus d'une fois son mari. Mais je ne comprends pas ce que vous me voulez. Mais vous savez bien que vous ne pouvez pas y aller. Mais pourquoi je n'y vais pas seul? La princesse a été changée de toilette et m'accompagnera. Il leva les épaules découragées. « Mais ne savez-vous donc pas ? » commença-t-il. « Mais je ne veux rien savoir, » dit-elle presque en criant. « Je ne le veux pas. Je ne me repens rien de ce que j'ai fait. Non, non et non. Si c'était à recommencer, je recommencerais. Il n'y a qu'une chose importante pour vous et moi, c'est de savoir si nous nous aimons. Le reste est sans valeur. Pourquoi vivons-nous ici séparés? Pourquoi ne puis-je aller où bon me semble ? Mais je t'aime et tout m'est égal, dit-elle en russe, avec un regard particulier et pour lui incompréhensible. Si tu n'es pas changé à mon égard, et pourquoi ne me regardes-tu pas ? Il la regarda, il vit sa beauté et la parure qui lui allait si bien. Mais cette beauté, cette élégance, c'était précisément ce qui l'irritait. « Vous savez bien que mes sentiments ne sauraient changer, mais je vous supplie de ne pas sortir, » lui dit-il encore en français, l'œil froid mais d'une voix suppliante. Elle ne remarqua que le regard et répondit d'un air fâché. « Et moi, je vous prie de m'expliquer pourquoi je ne dois pas sortir. « Parce que cela peut vous attirer des... » Il se troubla. « Je ne comprends pas. Tout ce qui est vite n'est pas compromettant. Et la princesse n'est pas plus mal qu'une autre. Ah, la voilà !» Vronsky, pour la première fois de sa vie, éprouva un mécontentement voisin de la colère. Ce qui le contrariait surtout, c'était de ne pouvoir s'expliquer ouvertement, de ne pouvoir dire à Anna qu'en paraissant dans cette toilette à l'opéra avec une personne comme la princesse, elle jetait le gant à l'opinion publique, se reconnaissait pour une femme perdue et renonçait par conséquent à rentrer dans le monde. Mais comment ne le comprend-elle pas ? Mais qu'est-ce qui se passe en elle ? Se disait-il. Et tandis que son estime pour le caractère d'Anna baissait, le sentiment de sa beauté grandissait. Rentré dans son appartement, il s'assit tout soucieux auprès de Yavchin, qui buvait un mélange d'eau de sels et de cognac, ses longues jambes étendues sur une chaise. Vronsky imita son exemple. Ah, tu dis le cheval de Louskov. Oh, c'est une belle bête que je te conseille d'acheter, commença Yavchin, jetant un coup d'œil sur le visage sombre de son camarade. La croupe est fuyante, mais quelle jambe et quelle tête! On ne saurait mieux trouver. Oh, si, je pense bien le prendre, répondit Vronsky. Tout en causant avec son ami, la pensée d'Anna ne le quittait pas, et involontairement il écoutait ce qui se passait dans le corridor et regardait la pendule. Anna Arkadievna fait dire qu'elle est partie pour le théâtre, annonça un domestique. Yavchin versa encore un petit verre dans l'eau gazeuse, l'avala et se leva en boutonnant son uniforme. « Eh bien, partons » dit-il, souriant à moitié sous ses longues moustaches et montrant ainsi qu'il comprenait la cause de la contrariété de Vronsky sans y attacher l'importance. « Je n'irai pas, » répondit Vronsky tristement. « Ah, moi j'ai promis, dois y aller. » « Au revoir. Si tu te ravises, prends le fauteuil de Krasinski qui est libre, » ajouta-t-il en sortant. « Non, j'ai à travailler. On a des ennuis avec sa femme, mais avec une maîtresse, c'est encore pis, » pensa Yavchin en quittant l'hôtel. Vronsky restait seul, se leva et se prit à marcher de long en large. « C'est aujourd'hui le 4e abonnement. » « Mon frère y sera avec sa femme, avec ma mère probablement, c'est-à-dire tout Pétersbourg. » Elle entre en ce moment, ôte sa fourrure, et la voilà devant tout le monde. Tuskevitch, Yavchin, la princesse, Barbe. Ah, eh bien, et moi, ai-je peur ? Où ai-je donné à Tuskevitch le droit de la protéger ? De quelque façon qu'on s'y prenne, c'est absurde, c'est absurde. Mais pourquoi me met-elle dans cette sorte de position ? Dit-il avec un geste désolé. Ce mouvement accrocha le guéridon sur lequel était posé le plateau avec le cognac et l'eau de sels et faillit le faire tomber. Vronsky, en voulant le rattraper, le renversa complètement. Il sonna et donna un coup de pied à la table. « Si tu veux rester chez moi, n'oublie pas ton service, » dit-il au valet de chambre qui parut. « Que ceci n'arrive plus, pourquoi n'es-tu pas venu emporter cela ?» Le valet de chambre, se sentant innocent, voulut se justifier, mais un coup d'œil sur son maître lui prouva qu'il valait mieux se taire. Et s'excusant bien vite, il s'agenouilla sur le tapis pour relever les débris des verres et des carafes. « C'est pas ton affaire, appelle un garçon et prépare mon habit. » Il sonna, fit apporter son habit et à 9h30, il entrait à l'opéra. Le spectacle était commencé. Le Kapelldiener ôta Vronsky sa pelisse et en le reconnaissant l'appela « Votre Excellence ». Le corridor était vide, sauf deux valets de pied tenant des fourrures et écoutant aux portes. On entendait l'orchestre accompagnant avec soin une voix de femme. La porte s'entr'ouvrit pour donner passage à un autre Kapelldiener chargé de placer les spectateurs, et la phrase chantée frappa l'oreille de Vronsky. Il ne put entendre la fin, la porte s'étant refermée, mais aux applaudissements qui suivirent, il comprit que la cadence était terminée. Les bravos duraient encore quand il pénétra dans la salle brillamment éclairée. Sur la scène, la cantatrice, décolletée et couverte de diamants, saluait en souriant et se penchait pour ramasser, avec l'aide du ténor qui lui donnait la main, de nombreux bouquets. Un monsieur, admirablement pommadé, lui tendait un écrin en allongeant ses bras, et le public entier, loge et parterre, criait, applaudissait, se levait pour mieux voir. Vronsky s'avança au milieu du parterre, s'arrêta et examina le public, moins soucieux que jamais de la scène, du bruit et de tout ce troupeau de spectateurs entassés dans la salle. C'étaient les mêmes dames dans les loges, avec les mêmes officiers derrière elles, les mêmes femmes multicolores, les mêmes uniformes et les mêmes habits noirs. Au paradis, la même foule malpropre, et dans toute cette salle comble, une quarantaine de personnes, hommes et femmes, représentaient seuls le monde. L'attention de Vronsky se porta sur ces oasis. L'acte venait de finir. Vronsky s'avança vers les premiers rangs de fauteuils et s'arrêta près de la rampe à côté de Serpurovskoy, qui, l'ayant aperçu de loin, l'appelait d'un sourire. Vronsky n'avait pas encore vu Anna et ne la cherchait pas, mais à la direction que prenaient les regards, il se douta de l'endroit où elle se trouvait. Il craignait pis encore et tremblait d'apercevoir Karénine. Heureusement, celui-ci ne vint pas au théâtre ce jour-là. « Comme tu es resté peu militaire, lui dit Serpuhovskoï, on dirait un diplomate, un artiste. » « Oui, en rentrant à la maison, j'ai endossé l'habit, » répondit Vronsky souriant et prenant lentement sa lorgnette. « C'est en quoi je t'envie. Quand je rentre en Russie, je t'avoue que je remets ceci à regret, » dit-il en touchant ses aiguillettes. « Je pleure ma liberté. » Serpuhovskoï avait depuis longtemps renoncé à pousser Vronsky dans la carrière militaire, mais il l'aimait toujours et se montra particulièrement aimable pour lui. « Ce soir-là. »« Il est fâché que tu aies manqué le premier acte. » Vronsky examina avec sa lorgnette les baignoires et le premier rang. Tout à coup, la tête d'Anna lui apparut, fière et d'une beauté frappante, dans son cadre de dentelle, auprès d'une dame à turban et d'un vieillard chauve et clignant des yeux. Anna occupait la cinquième baignoire à 20 pas de lui. Assise sur le devant de la loge, Elle causait avec Yachine en se détournant un peu. L'attache de sa nuque avec ses belles et opulentes épaules, le rayonnement contenu de ses yeux et de son visage, tout la lui rappelait tel qu'il l'avait vue jadis au bal de Moscou. Mais les sentiments que lui inspirait sa beauté n'étaient plus les mêmes. Il n'avait rien de mystérieux. Aussi, tout en subissant son charme plus vivement encore, se sentait-il presque froissé de la voir si belle. Il ne douta pas qu'elle ne l'eût aperçu, quoiqu'elle ne le fît pas paraître. Lorsqu'au bout d'un instant, Vronsky dirigea de nouveau sa lorgnette vers la loge, il vit la princesse Barbe, très rouge, rire d'un air forcé, en regardant fréquemment la baignoire voisine. Anna, frappant de son éventail fermé le rebord de la loge, regardait au loin, avec l'intention évidente de ne pas remarquer ce qui se passait à côté d'elle. Quant à Yavchin, son visage exprimait les mêmes impressions qu'en perdant au jeu. Il ramenait de plus en plus sa moustache gauche dans la bouche, fronçait le sourcil et regardait de travers dans la loge voisine. Dans cette loge se trouvaient les Kartassov, que Vronsky connaissait et avec lesquels Anna avait été aussi en relation. Madame Kartassov, une petite femme maigre, était debout, tournant le dos à Anna et mettait une sortie de balle que lui tendait son mari. Son visage était pâle, mécontent. Elle semblait parler avec agitation. Le mari, un gros monsieur chauve, jetait des regards sur Anna en faisant de son mieux pour calmer sa femme. Quand celle-ci eut quitté la loge, le mari s'y attarda, cherchant à rencontrer le regard d'Anna pour la saluer, mais elle ne voulut pas le remarquer et se pencha en arrière, s'adressant à la tête rasée de Yavchin courbée vers elle. Kartassov sortit sans l'avoir saluée, et la loge resta vide. Vronsky ne comprit rien à cette petite scène, mais se rendit parfaitement compte qu'Anna venait d'être humiliée. Il vit à l'expression de son visage qu'elle rassemblait ses dernières forces pour soutenir son rôle jusqu'au bout et pour garder l'apparence du calme le plus absolu. Ceux qui ignoraient son histoire, qui ne pouvaient entendre les expressions indignées de ses anciennes amies sur cette audace à paraître ainsi dans tout l'éclat de sa beauté et de sa parure, n'auraient pu soupçonner que cette femme passait par les mêmes impressions de honte qu'un malfaiteur au poteau d'infamie. Vivement troublé, Vronsky se rendit dans la loge de son frère avec l'espoir d'y recueillir quelques détails. Il traversa avec intention le parterre du côté opposé à la loge d'Anna et se heurta en sortant à son ancien colonel qui causait avec deux personnes. Vronsky entendit prononcer le nom de Karénine et remarqua la hâte du colonel à l'appeler à haute voix de son nom, en regardant significativement ses interlocuteurs. « Ah, Vronsky, quand te verrons-nous au régiment? Nous ne te ferons pas grâce d'un banquet, tu es à nous jusqu'au bout des ongles, toi, » dit le colonel. « Je n'en aurai pas le temps cette fois, je le regrette vivement, » répondit Vronsky, montant rapidement l'escalier qui conduisait à la loge de son frère. La vieille comtesse, sa mère, était dans la loge, avec ses petites boucles d'acier. Varia et la jeune princesse Sarokine se promenaient dans le corridor. En apercevant son beau-frère, Varia reconduisit sa compagne auprès de sa mère, et prenant le bras de Vronsky, entama le sujet qui l'intéressait avec une émotion qu'il avait rarement remarquée en elle. Je trouve que c'est lâche et vil. Madame Kartassov n'avait aucun droit de le faire. Madame Karénine. Mais qu'y a-t-il? Je ne sais rien. Mais comment? Tu n'as rien entendu? Tu comprends bien que je serai le dernier à savoir quelque chose. Mais y a-t-il une plus méchante créature au monde que cette Kartassov? Mais qu'a-t-elle fait? C'est mon mari qui me l'a raconté. Elle a insulté Madame Karénine. Son mari lui a adressé la parole d'une loge à l'autre. On dit qu'elle lui a fait une scène, s'est permis tout haut une expression offensante, et s'en est allée. Comte, votre maman vous appelle, dit la jeune princesse Sarokine en trouvant la porte de la loge. Je t'attends toujours, lui dit sa mère, souriant ironiquement. On ne te voit plus du tout. Le fils sentit qu'elle ne pouvait dissimuler sa satisfaction. Oh, bonjour, maman, je venais chez vous, répondit-il froidement. Et quoi ? Tu ne vas pas faire la cour à Madame Karénine ? Ajouta-t-elle, quand la jeune fille se fut éloignée. Elle fait sensation. On oublie l'apathie pour elle. Maman, je vous ai prié de ne pas me parler de cela, répondit-il d'un air sombre. J'ai dit ce que tout le monde dit. Vronsky ne répondit pas, et après avoir échangé quelques mots avec la jeune princesse, sortit. Il rencontra son frère à la porte. « Ah, oh, Alexis !» dit le frère. « Quelle vilainie ! C'est une sotte, rien de plus ! Oh, je voulais aller voir Madame Karénine. Allons ensemble !» Vronsky ne l'écoutait pas. Il descendit l'escalier rapidement, sentant qu'il avait un devoir à accomplir. Mais lequel ? Agité par la colère, furieux de la fausse position dans laquelle Anna les avait mis tous deux, il se sentait cependant plein de pitié pour elle. Et se dirigeant du parterre vers la baignoire d'Anna, il vit Stremov accoudé à la loge, causant avec elle. « Il n'y a plus de ténor, disait-il, le moule en est brisé. » Vronsky salua et s'arrêta pour parler à Stremov. « Vous êtes venu tard, il me semble, et vous avez manqué le meilleur morceau, » dit Anna Vronsky d'un air qui lui parut moqueur. « Je suis un juge médiocre, » répondit-il, la regardant sévèrement. « Comme le prince Yavshin, » dit-elle en souriant, « qui trouve que l'apathie chante trop fort. »« Merci, » dit-elle, prenant de sa petite main emprisonnée dans un long gant le programme que lui tendait Vronsky. Et au même moment, son beau visage tressaillit. Elle se leva et se retira dans le fond de la loge. Le dernier acte commençait à peine lorsque Vronsky, voyant la loge d'Anna vide, se leva, quitta le parterre et rentra à l'hôtel. Anna aussi était rentrée. Vronsky la trouva telle qu'elle était au théâtre, assise sur le premier fauteuil venu, près du mur, regardant devant elle. En voyant entrer Vronsky, elle jeta sans bouger un coup d'œil sur lui. « Anna, lui dit-il, c'est toi qui es cause de tout !» s'écria-t-elle, se levant des larmes de rage et de désespoir dans la voix. « Mais je t'ai prié, supplié de n'y pas aller. Je savais que tu te préparais une épreuve peu agréable. » « Agréable !» s'écria-t-elle, « horrible ! Quand je vivrai 100 ans, je ne l'oublierai pas. Elle a dit qu'on se déshonorait à être assise près de moi. Bon, ce sont les paroles d'une sotte, mais pourquoi risquer de les entendre ? Pourquoi s'y exposer ? » ?»« Mais je hais ta tranquillité. Tu n'aurais pas dû me pousser à cela. Si tu m'aimais, Anna !» À quel propos mettre ici mon amour en jeu ? Oui, si tu m'aimais comme je t'aime, si tu souffrais comme moi, dit-elle, le regardant avec une expression de terreur. Elle lui fit pitié, et il protesta de son amour, parce qu'il voyait bien que c'était le seul moyen de la calmer. Mais au fond du cœur, il lui en voulait. Elle, au contraire, buvait ses serments d'amour qu'il croyait banni de répéter et se tranquilliserait peu à peu. 2 jours après, ils partirent pour la campagne complètement réconciliés.